En Corée du Sud, les formations du Comité du Sud pour l'application de la déclaration conjointe du 15 juin par secteur ont organisé le 12 devant le siège du gouvernement à Séoul une conférence de presse conjointe exigeant des autorités conservatrices de prendre la décision d'amélioration des rapports intercoréens. La conférence de presse terminée, les représentants des formations par secteur ont transmis respectivement au gouvernement un test de roquette à l'adresse du ministère de l'Unification. Par ailleurs, la direction de Séoul du Comité du Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin et le Conseil de la paix de 300 personnes de Séoul ont tenu le même jour une conférence de presse devant le même endroit pour déclarer de livrer la conférence conjointe des partis politiques, formations et personnalités du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour prévenir la guerre et réaliser la paix.